Allô? Bonjour monsieur. Je suis bien au bureau des inscriptions des étudiants étrangers? Oui. J'ai été admise en L3 de géographie, mais je n'ai pas reçu de convocation pour venir m'inscrire. Une amie m'a dit que je devais en recevoir une. Oui, normalement on envoie une convocation. Je fais comment alors? Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 12 octobre. Vous êtes déjà en France? Oui. Alors vous venez directement. Le bureau est ouvert de 9h jusqu'à 17h. On ferme entre 12h et 14h.